Chapitre 19e. Guillaume Rincard. Dutilleul avait eu un mal fou à obtenir une audience de Guillaume Rincard, mais il y était finalement parvenu. Patricia avait déployé des trésors de patience pour ne pas effaroucher le gibier, et Dutilleul lui en était une fois de plus très reconnaissant. C'est qu'il fallait l'extraire de son ministère, le bonhomme. Pas moins de 3 semaines avaient été nécessaires avant de voir débouler un matin, à l'heure exactement convenue, un personnage sans grand relief. Sans être déplaisant, l'homme n'avait pas franchement de quoi attirer. Les yeux étaient étranges, d'une couleur parfaitement indéfinissable. La bouche, quant à elle, était trop mince, il y avait le rictus facile. La stature était dans la moyenne. L'homme ne devait pas dépasser 1,70 m. Le corps était sec, mais les épaules tombantes, rentrées en dedans. Les vêtements étaient de bonne coupe, mais accusés au moins 2 saisons. Dutilleul se présenta rapidement, mais il s'aperçut rapidement que Simone Rincard n'avait pas exagéré quand elle avait évoqué son frère. Il fallait vraiment le secouer tel un prunier pour en tirer quelque chose. L'homme pourtant était d'un abord assez agréable, si l'on acceptait une voix aux inflexions volontiers geignardes et une certaine lenteur dans le débit de parole. Cependant, il ne fallait pas s'y laisser prendre, car les yeux, eux, étaient vifs. Plusieurs fois durant l'entretien, Dutilleul se demanda si son interlocuteur n'agissait pas de façon parfaitement délibérée, pensant sans doute qu'il, Dutilleul, finirait par se décourager. Manque de chance pour Guillaume Rincard. Dutilleul en avait accouché de bien plus coriace que ce petit technocrate suffisant. Le tout était de se montrer patient. S'il fallait obligatoirement en passer par des circonvolutions interminables, Dutilleul en passerait par là. Il avait senti tout de suite qu'il ne fallait surtout pas brusquer le bonhomme. Il laissa donc son interlocuteur se raconter à sa guise. Il posait une question de temps à autre pour bien lui montrer qu'il avait toute son attention. Une fois de plus, Simone Rincard s'était montrée tout à fait juste dans son analyse. L'homme était amer et le dissimulait à peine. Toutefois, l'intérêt de Dutilleul commença à croître quand Guillaume Rincard commença à évoquer les tournelles, institution qu'il détestait encore cordialement aujourd'hui. Le niveau était franchement lamentable. J'ai fermement interdit à ma femme d'y envoyer nos enfants, et pas, croyez-moi, parce que nous n'avions pas les moyens, au contraire. Les tournelles ont toujours été la solution la plus pratique pour la famille, puisque la scolarité ne coûtait que le prix du trousseau et des livres de classe. Pas de frais d'admission, aucun frais de scolarité, au contraire même, puisque les tournelles rapportaient et rapportent toujours beaucoup d'argent. Puis-je vous demander sous quelle forme ? Il n'y a rien de secret là-dedans. Nous avons une rente, versée annuellement, qui me permet chaque année de me payer de très belles vacances, avec ou sans épouse. Dutilleul sentit une bonne dose de satisfaction dans cette dernière phrase. L'homme commençait visiblement à se détendre, aussi choisit-il, mine de rien, de passer à l'offensive. Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure que vous aviez fermement interdit à votre épouse d'y envoyer vos enfants ? Parce que ce n'est pas un endroit pour eux. Je ne veux pas qu'ils croient que tous les problèmes se résolvent par un simple chèque. Conséquent, cela va de soi. J'ai vu cela tout au long de ma scolarité et cela m'a suffi. Ceux qui étaient réellement méritants, croyez-moi, j'en ai vu, n'étaient jamais reconnus à leur juste valeur. Vous comprenez, s'ils ne faisaient pas partie du club, de l'élite, il ne restait plus qu'à partir. Comment pouvait-on faire partie de ce club ? La voix de son interlocuteur devint franchement acide. Par népotisme, si vous étiez le fils d'eux, qui faisait partie de tel club, vous y aviez automatiquement votre place. Cela même si vous étiez, comme mon très cher cousin Reginald, un crétin fini. De quel club faisait-il partie ? Lui ? Rien de moins que le club 23. L'exaspération de son interlocuteur n'échappa en rien à Dutilleul. Toutefois, il devait absolument contenir son impatience. C'est donc très innocemment qu'il poursuivit. Qu'est-ce que c'était que ce club ? Le plus prestigieux et le plus secret des clubs des Tournelles. Même si à l'époque où mon cousin en était membre, il avait beaucoup perdu de son lustre. Reginald n'était pas peu fier d'en être et surtout de me le faire savoir en toute occasion. C'était un sujet de constante raillerie entre nous. La tâche était d'autant plus aisée que je n'avais effectivement aucune chance de m'y faire admettre, même si mes résultats scolaires étaient sans commune mesure avec les siens. C'est d'ailleurs à partir de ce constat que j'ai cessé de faire le moindre effort en classe. Je préférais épier Reginald dans le moindre de ses mouvements. Hélas, à part l'aider à regagner sa chambre après ses cuites mémorables, je n'ai pas appris grand-chose. Je crois juste avoir découvert deux autres membres, ce qui est bien peu. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. On peut dire que ma patience a fini par être récompensée, car j'ai eu en main l'un des billets du Club 23. Mon cousin l'avait laissé dans sa veste. Malheureusement, je n'y ai rien compris, même si les mots se sont à jamais gravés dans ma mémoire. Rendez-vous le 7 à l'endroit habituel. Bobin pourvoira au nécessaire. Qu'avez-vous fait? J'ai commencé par remettre soigneusement le message en place. Mais j'ai dû commettre une erreur, car après cela, mon cousin a changé d'attitude vis-à-vis de moi. Il est devenu plus distant, et je n'ai plus été autorisé à aller dans sa chambre. Vous parlait-il toujours du Club 23? Oui, mais j'avais le sentiment que c'était surtout pour noyer le poisson. À chaque fois, c'était une tentative plus ou moins maladroite pour apprendre ce que j'avais découvert. Parce que, naturellement, après la découverte du billet, je n'ai pas été loin à éplucher les listes d'élèves, toujours situées dans le hall des Tournelles. Bien entendu, il n'y avait aucun Bobin. Y avait-il du monde quand vous avez consulté les listes? Il y avait toujours du monde, à toute heure. Ce n'est pas pour rien que l'endroit était surnommé avec une bonne dose de dérision la cour des miracles. J'ai pensé, non sans raison, que la chose serait plus discrète si je parvenais à me fondre dans la foule. Pensez-vous que l'on vous a vu? Eh bien, oui. Aujourd'hui, j'en suis pratiquement sûr. Comprenez, j'ai toujours eu une très mauvaise vue, et j'ai dû m'approcher plus que de raison des tableaux d'affichage. J'ai dû, bien involontairement, attirer l'attention. D'autant que je n'étais pas connu pour être un familier des lieux. Quelqu'un a dû me dénoncer. Je pense aujourd'hui que mon cousin a dû être sérieusement sermonné, même s'il n'a jamais osé aborder le sujet avec moi. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons plus jamais été intimes après cet incident, et je n'ai jamais eu l'opportunité d'apprendre ce que signifie le message. Savez-vous s'il serait possible d'interroger votre cousin? Impossible. Il a eu un accident de voiture 10 ans plus tard, tuant au passage sa petite amie du moment. La chose a fait un joli scandale à l'époque, car la gosse n'était pas majeure et était probablement enceinte de ses œuvres. Comme il était le seul garçon, du moins en ligne directe, personne n'a pu prendre la relève au club. Il a certainement été remplacé. Je le pense aussi, mais c'est toujours un sacré risque. En tout cas, c'est tout ce que je suis parvenu à savoir, même si ce n'est pas faute d'avoir cherché. Qu'est-ce qui vous arrivait tant? Le mystère absolu. Les autres clubs étaient connus puisqu'ils agissaient au grand jour, au contraire du Club 23 qui recevait pourtant de confortables subsides. Comment l'avez-vous appris? Bien des années plus tard, en épluchant soigneusement les comptes des Tournelles. Le plus curieux est que je cherchais complètement autre chose. Pourtant, son nom apparaissait bel et bien, parmi la liste des autres clubs, tout comme les dotations accordées. Vous souvenez-vous du montant alloué? Plutôt difficile de l'oublier. Pas moins de 180 000 francs de l'époque, ce qui à mon sens était extravagant. Qui finançait? Impossible de le savoir. Vous pensez bien que je n'ai pas manqué de mener ma petite enquête sur le sujet. Surtout que cette fois j'avais tout mon temps. Eh bien, la seule chose que je suis parvenu à apprendre, c'est que ces dotations étaient décidées par un comité restreint dont le nom des participants n'apparaissait nulle part. Des anciens membres du Club 23, sans aucun doute. Avec le bras suffisamment long pour que la dotation soit revue chaque année à la hausse, du moins jusqu'en 1987. À partir de cette année-là, il disparaît purement et simplement des comptes sans qu'aucune explication ne soit donnée. De toute façon, qui se soucie d'une ligne de plus ou de moins dans un rapport financier? Personne n'a jamais posé de questions. Bien sûr que non. Cela aurait servi à quoi? Du moment que notre revenu augmentait régulièrement, pourquoi se soucier de ce genre de détails? Si ce n'est pas indiscret, à combien se montait l'ensemble des dotations pour les clubs? En 1978, elles représentaient un montant total de 396 000 francs. Les Tournelles comptaient 19 clubs ou associations, ce qui veut dire qu'il y avait un rapport de 1 à 15 entre ce que recevait un club classique et le Club 23. Veuillez me pardonner, mais pourriez-vous être plus clair? Eh bien, disons que quand Association Alpha recevait une dotation mensuelle de 1 000 francs, le club, lui, en recevait 15 000. Dutilleul se mit à siffler. Joli magot, où allait l'argent? Une fois encore, pas la moindre idée. Toujours l'opacité la plus complète. Comme vous l'imaginez bien, le Club 23 échappait à tout contrôle. Vous disiez que la dotation du Club 23 était régulièrement revue à la hausse chaque année. À combien se montait-elle la dernière année? Elle avait doublé, tout comme d'ailleurs celle des autres clubs. Seulement le rapport de 1 à 15 perdurait. J'imagine que lorsque le Club 23 s'est autodissous, il a été impossible de savoir ce qu'était devenu l'argent. Vous imaginez bien. C'est tout de même un joli détournement, surtout pour des élèves. C'est la raison pour laquelle j'étais soulagé quand il a disparu des comptes. Une telle situation ne trouvait aucune justification et aurait même pu générer des ennuis. Il aurait suffi que l'URSSAF se montre plus curieuse qu'à l'ordinaire. À moins, bien sûr, que ce détail n'ait été dissimulé par un de ces habiles tours de passe-passe dont les tournelles sont coutumières. Pensez-vous qu'il existe toujours un Club 23? À vrai dire, je n'en ai pas la moindre idée. Journal, extrait numéro 4. Cher grand-père, ça y est, nous l'avons commise, notre nouvelle action d'éclat, et cette fois, il n'y a eu aucune anicroche. Pour un baptême du feu, le nouveau Pardet a fait de l'excellent boulot, surtout qu'il n'est pas externe. Ce qui pouvait constituer un handicap s'est finalement transformé en un atout hors pair puisque nous sommes insoupçonnables. À l'heure des faits, nous sommes censés faire gentiment dodo dans nos chambres et je fais tout, je dis bien tout, pour que tout le monde sache que je suis dans la mienne. Par quel moyen? En donnant opportunément un cours de rattrapage de maths à cette pauvre gourde de Tiphaine qui n'y entend vraiment rien. Comme j'en ai besoin au moins jusqu'au retour des garçons, je déploie des trésors de patience, dont l'idiote m'est très reconnaissante ainsi que sa maman. Celle-ci m'a envoyé une boîte de chocolat tout à fait acceptable. Alors, me diras-tu, qu'avons-nous fait, ou plutôt, où le club a-t-il encore frappé? Pardet, chargé, comme tu le sais, du repérage, nous a trouvé une épicerie fine. Les garçons ont tous saccagé, caviar en tête. Ils sont parvenus, on ne sait comment, à fracturer le coffre du magasin qui ne contenait pas moins de 7 500 € en liquide. Fidèles à mes consignes, ils n'y ont pas touché. Ils ont laissé l'argent bien en évidence et ont détruit tout le reste. Je crois que les dégâts sont importants. Tant mieux. J'ai un seul regret, que les proprios n'aient pas été présents. Les garçons auraient pu les saucissonner pour qu'ils assistent au saccage en direct. Enfin, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Les garçons ont fait ce qu'il y avait à faire et tout va bien. Maman est toujours hospitalisée. Au fait, j'ai rendez-vous avec papa la semaine prochaine. Je me demande bien pourquoi. Eh ben mon salaud, il a fini par cracher le morceau, le father. Figure-toi qu'il a de grandes ambitions pour moi. Paraît-il que tu avais ouvert un compte épargne pour financer les grandes études d'un petit-fils hypothétique? Si ce n'est pas encore un de tes coups bas, je me demande bien ce que c'est. Crois-moi, j'étais vraiment folle de rage quand j'ai appris ton projet. Heureusement, toutefois, je suis tout de même parvenue à garder mon calme. À ce petit jeu, je suis devenue très forte. Je crois que je pourrais facilement t'en remontrer. En tout cas, j'ai bien fait, car le jeu en valait la chandelle. Pas moins de 35 000 €. Y a pas à dire, tu as vu large. J'ai tout de suite vu tout le parti que je pouvais tirer de la situation. J'ai joué à merveille, la gamine émue, même si je n'ai pu aller jusqu'aux larmes. Il faut pourtant que j'apprenne d'urgence à pleurer, car cela peut toujours servir. D'une voix rendue tremblante, j'ai alors quémandé un soutien de mat à l'extérieur de la tôle, ce à quoi papa a immédiatement consenti, même si je ne pense pas en avoir besoin. Enfin, cela me permettra d'être libre quelques heures par semaine, ce qui me sera certainement utile. Dans le même temps, papa double ma mensualité. La chose est toujours bonne à prendre. À son air, j'ai bien vu qu'il avait un petit penchant pour centrale ou pour polytechnique. Pourquoi pas? J'ai largement le niveau d'intégrer une prépa. J'exigerai alors d'avoir mon propre studio, même si cela doit être la mort de fête du Club 23 puisqu'il ne saurait me survivre. À moins que... Papa était si content de mon acceptation qu'il a commandé du champagne. Je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis longtemps. J'étais à deux doigts de l'aimer à nouveau. Si seulement maman allait mieux. Je lui écris la semaine dernière, mais elle ne m'a pas encore répondu. Papa s'est montré désagréablement fuyant quand je lui ai demandé s'il était allé la voir. Je parie hélas que non. Toujours cette damnée horreur de la maladie. Comme si maman était responsable, tiens. Parfois, j'ai vraiment du mal à le suivre. Pourtant, au fond, ce n'est pas le mauvais cheval. À moins que je sois d'humeur magnanime. Pour 35 000 euros, je peux me permettre cette faiblesse. Je suis sûr que si je manœuvre bien, papa n'hésitera pas un instant à lâcher le double. Il est si fier. Ensuite, à moi de bien gérer la situation. Hier, Madrier m'a convoqué dans son bureau. Il ne se sentait plus pissé tant il était heureux, tu penses. Une de ses élèves en prépa. Je le voyais déjà réévaluer dans sa tête les tarifs d'inscription de l'année prochaine. Il a tout accepté et m'a même proposé une adresse pour le soutien extérieur. Un jeune ingénieur qui cherche à arrondir ses fins de mois. Madrier m'a consenti sans piper mot 2 après-midi par semaine, ce qui n'est pas mal. Quant à l'ingénieur, je l'ai rencontré ce matin. Un type assez sympa, un peu dans la lune. Il m'a filé quelques exos histoire de voir où j'en étais. Il a eu l'air agréablement surpris. Nous avons pu tout de suite établir un planning de travail. Nous avons convenu de travailler ensemble 4 heures par semaine, que je paierai comme 8, plus un petit bonus si cet arrangement reste secret. Tu penses bien qu'il ne s'est pas fait prier pour accepter. Moi, cela ne me coûtera rien puisque papa se fera un plaisir de régler la note. Est-ce que les hommes peuvent être cons parfois? Surtout que trop heureux, il ne posera pas de questions. Je laisse Madrier prévenir papa et établir le précieux laissez-passer. 4 heures dehors, le rêve. Si je joue bien ma partition, je peux peut-être demander davantage. Il me suffit de feindre l'anxiété, la peur de ne pas réussir. Cette idée de Madrier m'a presque imploré de ne pas hésiter à le déranger à toute heure du jour ou de la nuit, si je rencontrais la moindre difficulté. Alors autant ne pas s'en priver. Cela me donnera plus de crédibilité. J'aimerais assez le voir dans le rôle du consolateur, lui, habituellement si distant. Il faut que j'ébauche un scénario. La fille qui se lamente dans les toilettes, par exemple. Ça, je ne crois pas que ce soit possible, tant l'odeur y est insupportable. Je pourrais vraiment tomber malade, et ça n'arrangerait pas franchement mes affaires. Je retiens toutefois l'idée de la crise de larmes, car vu ma réputation, je suis sûr de l'effet. Tiphaine, toujours si stupidement reconnaissante, sera idéale dans le rôle du témoin. Elle aussi en tient vraiment une couche. Enfin, je dois absolument dissimuler mon exaspération, car elle m'est trop utile. Ah, puis autre chose. Je dois redoubler de prudence, car Sabine Lepage a eu vent de ma bonne fortune et j'ai été averti par Sylviane qu'elle en était très jalouse. Il paraît qu'elle s'est plainte auprès de Goudreau, le prof de physique. Comme celui-ci, malgré mes résultats, ne m'apprécie pas des masses, j'ai intérêt à la jouer ultra prudente. C'est vraiment la tuile que celui-ci soit vraiment compétent. On se demande bien ce qu'il fout aux Tournelles. Paraîtrait qu'il aurait mis son poing sur la figure d'un dirlot dans un autre établissement. Ce qui n'est pas impossible, après tout. N'empêche qu'il nous fait plutôt bien bosser. Il est bon pédagogue. Je crois que tout le monde l'apprécie. Sylviane, décidément quelle mine d'informations, m'a dit aussi qu'il avait été assez proche de Pardet, ce qui est ennuyeux. Il ne lui ménageait pas sans soutien. Enfin, on verra bien. Aussi intelligent soit-il, cela m'étonnerait quand même qu'il parvienne à assembler tous les éléments du puzzle ensemble. Sinon, il devrait changer de métier. Qu'il se cantonne donc à ses symboles chimiques et tout ira très bien. Quant à Sabine, il faudra régler le problème à un moment ou à un autre. De toute façon, elle n'est pas si bonne, surtout si l'on considère la dose de travail qu'elle fournit. Elle est si laborieuse. Dupreux m'a bien fait rire quand il nous a lu son dernier devoir de français. Comme elle était fière. C'était à se tordre. Elle qui croyait que c'était son grand moment, elle aurait dû comprendre. Enfin, on ne peut pas demander à une gourdasse pareille de saisir toute l'ironie de la situation. Pour ma part, si Dupreux m'avait fait l'affront de se comporter comme cela avec moi, j'aurais trouvé le moyen de le coincer. Et heureusement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je sais qu'il est conscient de ma force et qu'il la respecte même si cela ne l'empêche pas de me lancer une pique une fois de temps en temps. Mais on dirait que mon manque de répondant le lasse peu à peu. Encore un qui s'imaginait certainement que j'allais foncer tête baissée dans l'arène, et puis quoi encore? Inutile de prendre des risques avec une merde pareille. Seulement Goudreau, lui, est d'une toute autre trempe. Je sens que je le frustre beaucoup. Je sais qu'il cherche la moindre occasion de me démolir. Mais il peut toujours s'échiner. Il n'y a pas de faille de ce côté-là. Puis, il doit tenir compte du niveau des autres. Celui-ci est tel qu'il lui est à peu près impossible de trop corser les sujets. Avec lui, j'assure le 17 sans aucun effort. Les 3 points qui manquent sont souvent pure chicanerie de sa part. Au moins, cela l'occupe. Ne jamais priver un toutou de son os. S'il me reste un peu de temps, j'en rajoute volontairement. J'aime beaucoup les commentaires en fin de copie du genre. Il y avait franchement plus simple. Assez pour aujourd'hui.